L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. After Job avec Francky l'après-midi. Arc-en-Ciel 96.2 FM. He hablado tantas veces como sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero. Entonces, ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. Y eso me ha hecho grande, si no sé, ahora sé quién soy. Yo le entrego mi corazón. Never. Allez, on s'est heureux d'être avec vous, c'est Francky jusqu'à 18h30. Ça fait du bien un peu le rayon del sol et puis plein d'invités aujourd'hui. Ça va faire du bien, on aura des invités au téléphone, en direct aussi. Romain Roy qui sera notre invité, il est à la mairie d'Orléans. 9e adjoint au maire chargé de la transition énergétique et du développement durable sera notre invité vers 17h. Et puis au téléphone, on aura le collectif métissé. Écoutez ça. Ah ouais! Qu'est-ce que c'est bon, ils seront avec nous vers 17h45 et puis vers allez 17h15, 17h20, il sera aussi au téléphone avec nous, c'est Rodrigo Hayes, écoutez, c'est son nouveau hit, Kielo, Kielo Mars, on adore déjà sur Radar Franciel. N'hésitez pas, du son qui arrive avec Lorelai, Kinvey sur Radar Franciel et puis nos invités, ne les ratez surtout pas en cet après-midi, 16h36. What's going on, y'all? Transatlantic champion, Big Ali, New York City in the building, and you are now rocking with DJ Bass. Let's go! Everybody clap your hands, clap your hands. Everybody clap your hands, clap your hands. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands. Ça s'est lui passé. Je sais que je la montée pour croquer la vie à pleine. Danser selon mes idées, je vis mes envies pleines. Moi j'ai bien essayé de changer, de passer mes peines. Moi rien ne change, je vais changer pleinement. C'est important. Je n'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en pleurant. Le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Danser selon mes idées, je vis mes envies pleines. Non, j'ai bien essayé de changer, de passer mes vêtements. Comme changerai ces événements. Pour ne pas regretter, je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner.

After Job avec Francky l'après-midi. Yo digo, hey, eso es un nuevo sonido. Dime si te vas. ¿Qué pasó? Soy culpable de no haber sido más fuerte para los dos. Lo siento. Lo siento. Lejos de tu mirada y de tu corazón. Tu corazón. Me siento perdido frente a esta situación. Los recuerdos me tormentan. Y si tienes otro amor, amor, me muero de dolor. Quisiera volver atrás y empezar de nuevo. C'est le 16h50, vous êtes peut-être dans les voitures en sortant du bureau aussi, ça se fait, si vous avez mangé des fruits de mer à midi, pourquoi pas. Rodrigo Hayes, dis-moi si t'es vas, dis-moi si tu t'en vas. Bah pas tout de suite, il arrive justement à l'antenne, c'est Rodrigo dans les studios, bougez pas. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est Mince. Et on se connecte direction Rodrigo Hayes. Bonjour Rodrigo. Hola amigo, comment ça va? Ah bah ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone à chaque fois, c'est vrai. Pareillement. T'es du côté de Paris là, non? Ouais. Il fait beau à Paris parce qu'à Orléans il pleut. Hein. Il y a du soleil hein, aujourd'hui mais il pleut. Ouais. Ah ouais, malheureusement. On écoutait un single là, de toi, de Dime si te vas, un bon souvenir ça. Hein ouais, complètement. C'est un de mes premiers un premier titre que j'ai clippé, qui est sorti, qui a tourné en radio et j'ai eu beaucoup de retombées. Positive avec ce morceau, puis c'est sentimentalement c'est un morceau assez fort, ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, en tout cas la radio me le demande souvent celui-là, souvent les dits de Rodrigo. Et puis là on va parler du nouveau single qui arrive, ça y est, dans les bacs, il s'appelle Kielomas. Écoutez un extrait, on adore. On va s'écouter juste après. C'est pas mal ça, c'est soleil, c'est ce que disent en majorité les gens sur le réseau Facebook notamment. Ouais. Un nouveau son qui arrive qui s'appelle Kielomas, Rodrigo. Écoute, Kielomas, ça veut dire j'en veux plus. Et toujours. En espagnol, et puis voilà, c'est ma devise, j'en veux toujours plus. Il faut. C'est un titre. Là, je suis reparti avec le français. Depuis Dime si te vas, j'avais pu rechanter en français. Mmh. Et puis ça re-signe un petit peu le mon. Je me suis un peu réconcilié avec le français, on va dire. Et je mélange toujours les deux langues, tu c'est vois. Vrai. Et les gens, ils aiment bien qu'on mélange un peu les deux langues, hein. Ouais, bah au début, moi personnellement, ça me faisait un peu bizarre. Puis, ouais. Puis c'est plutôt les gens qui m'ont dit, ouais, c'est super, tu mélanges les deux, c'est du fragnol, tu vois, du français espagnol. Et quelque part, c'est qui je suis moi en fait, puisque je suis chilien, je suis né au Chili, mais j'ai grandi en France. Mmh. Du coup, c'est un mélange de, j'ai gardé ma culture avec ma famille, tout ça, mais j'ai le mélange des deux cultures forcément. Donc du coup. C'est important que ça soit dans ma musique. Comme tu dis, Cléoma, ça veut dire j'en veux plus, surtout en ce moment, en cette période qui est un peu compliquée pour tout le monde, et on va pas dans les meilleurs moments, surtout là. Ouais. T'as toujours envie d'écrire, t'as toujours envie d'aller de l'avant, c'est ce que tu dis dans le single. Alors écoute, c'est pas ce que je dis dans le single. Non, on parle pas du Covid, mais on parle de t'en veux plus, quoi. Ouais, non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut déjà d'une avec. Je pense qu'avec tout ce qui arrive, même pendant un moment, moi ça, j'étais affecté aussi pendant un moment par rapport aux attentats ouais. Qu'il y avait eu il y a quelques années. Ouais. Et du coup, tu te dis, est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Alors que tu vois, des fois, enfin, j'étais parti dans un délire où je me disais, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Parce que c'est beaucoup de sacrifices, tu sais, la musique. Et j'étais à fond dans mes projets. Et demain, il peut arriver quoi que ce soit. Et puis, tu vois, t'étais plus là où voilà, il y a un virus. Ou il y a. Ouais. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'au contraire, il faut absolument que je continue parce que c'est des bonnes vibes, que c'est des voilà, qu'il faut donner des bonnes énergies aux gens, que les gens ils ont besoin de danser, ils ont besoin de ça et ça fait partie de mon ADN. Donc il faut que je continue malgré tout, malgré les virus, malgré tout ça. Mmh. Je pense qu'il faut qu'on continue. Moi, je vais continuer mes covers, je vais continuer à faire du son, même si c'est plus difficile qu'avant, ouais. D'une certaine manière, mais il faut rien lâcher. Il y a José qui nous dit, alors merci d'écrire des chansons qui font bouger, qui donnent l'envie de danser, surtout qu'en ce moment, on peut pas trop danser, hein, malheureusement. Il dit, à quand un titre meringué? Alors, le meringué, c'est, ça revient à la meringue. Meringué. Meringué. Bah, écoute, ouais, le meringué, j'en avais fait un à l'époque, qui s'appelait Bomberos. Ouais, je me souviens. Ah ouais, il était bien celui-là. Ouais. Voilà, il était très très rapide. Du coup, on m'avait dit en radio de le ralentir. Ouais. Ce qui m'avait dit, c'était un peu bizarre, mais du coup, on l'avait fait. Et finalement, peut-être qu'il faudrait que je fasse un meringue un peu. Ouais, moi j'aime beaucoup, hein, mais carrément. Ouais. Carrément, écoute. Est-ce que c'est pas parti un petit peu le meringue? Il y a une période meringue qui était là à un moment, qui a disparu. Le reggaeton a pris la place, hein. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, même toi en tant que DJ, je pense que t'as dû t'en rendre compte par rapport au BPM, au tempo. Ah, il est rapide, le meringue, attention, hein. Ouais. Voilà, ouais. Et le reggaeton, c'est un truc plus langoureux, ouais. Où tu danses, voilà. Au début, les gens, pendant pas mal d'années, ils assimilaient la musique dansée à des tempos genre 128, 130. Ouais, c'est ça. Alors que tu peux danser sur des tempos langoureux. Ouais. La preuve avec le reggaeton. Ouais. Et du coup, c'est plutôt tu vois, quand on fait de la musique aussi pour les DJ, c'est plus trop, ce qui se fait, mais, ouais. Moi, avec plaisir, moi je fais ça avec pour le kiff. Donc, mais moi je me souviens à l'époque en boîte, hein, on me demandait souvent, ouais, tu peux mettre du meringue, s'il te plaît, meringue. Ouais. Je dis, ouais, pas de problème, et c'était la grosse mode. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on est plus revenu sur le reggaeton. Hein. C'est vrai que le reggaeton a pris un peu le dessus, hein, Rodrigo. C'est, ouais, c'est devenu la variété latine. Ouais. C'est même au-delà du côté latin, hein, puisque le titre le plus écouté au monde, il est en espagnol. Donc. T'en veux toujours plus, c'est ce que tu veux dire. Et la suite, alors, on le voit comment, Rodrigo? Écoute, je prépare le prochain. Ouais. Je suis dessus, puis on est plusieurs titres aussi, et il y a notamment, enfin, le clip vient de sortir, qui est en masse la semaine dernière. Ouais. Je vais sortir un petit challenge sur TikTok et sur Insta et d'ailleurs si tous les auditeurs qui aiment ma musique, qui aiment danser, s'ils veulent relever le défi, entre guillemets, c'est la petite choré qu'on a fait sur le clip avec les danseurs, on va la refaire et justement la partager. Donc là, voilà, c'est un petit truc à faire. Si vous voulez jouer le jeu, ça sera avec grand plaisir. C'est vrai que ça, c'est la grosse mode TikTok, hein, où on fait pas mal de chorés sur TikTok. Ouais, les gens maintenant, enfin, je veux dire, la danse est importante, et je pense que même pendant le confinement, tu vois, ouais, ça va être sympa. Quel hommage, tu vois, c'est que les gens ils se sont pas laissés mourir, quoi, tu vois, ils ont bossé, enfin, heureusement, hein. Façon de parler, mais dans l'ennui, je veux dire, et du coup ils sont occupés comme ils pouvaient, notamment en dansant, c'est plutôt cool. Il y a des et des révélations qui sont sorties de là, je pense. En tout cas, un beau titre, qui est nomade avec un clip aussi, Rodrigo. Ouais, le clip est sorti donc la semaine dernière. N'hésitez pas à aller le voir sur YouTube, à même des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Ouais, lâchez-vous. Hein. Et puis voilà. Après, jusque on va voir ce qui va. Normalement, on attend les retours par rapport aux télés. Mmh. Et puis là, en attendant, je viens de faire un petit double. Enfin, j'avais fait un doublage qui vient de sortir, qui sur Netflix. C'est la dernière production Netflix, justement film d'animation qui s'appelle Voyage vers la Lune. Et là, tu interprètes une voix enchantée. Exactement. Moi, c'est, tu vois, au-delà de la musique latine, moi, c'est mon métier avant tout, c'est chanteur. Et du coup, voilà, je fais divers choses dans divers styles. Et notamment, j'ai eu la chance de prêter la voix à chanter uniquement de Gobi, le bonhomme extraterrestre. Voilà. Et ben, bravo en tout cas pour cette performance, Rodrigo. Et puis, longue vie à toi. C'est vrai qu'on te soutient, la radio, hein, une radio locale qui est, un jour, on aimerait te recevoir en studio physiquement. C'est vrai que ça nous ferait vraiment plaisir. Écoute, avec plaisir. Hein, on va pouvoir se caler ça. Avec plaisir. Quand tout sera un petit peu fini, tout ça, là, ça sera plus simple. Dès qu'il n'y aura plus le Covid, hein. Exactement. Ça serait l'idéal. C'est à toi, je te vois te battre pour. On se bat, ouais. La discothèque et pour. Parce que, il faut être honnête, Rodrigo, aussi vous, les chanteurs, vous avez besoin des discothèques. Hein, faut être, les titres sont joués majorité en discothèque, en radio. Hein. Ouais. Bah ouais, là par exemple avec Kieromas, tu vois, normalement j'aurais dû faire la tournée radio puisqu'on a pas mal de tournée discothèque, puisqu'on a pas mal de radio. Du coup, normalement c'était la suite logique. Et là, bon. Et puis franchement, moi je serais heureux de te retrouver dans ma discothèque en show live, sur un show, hein, avec plaisir. Bah écoute, ça serait énorme. Dès que ça rouvre, de toute façon, je pense que les gens ils vont d'autant plus. D'ailleurs, je sais pas s'il va y avoir des rébellions, des fêtes. Ça va bouger. Hein. En attendant, le jour où ça va repartir de plus belle, je pense. Eh bien voilà, on vous le conseille, hein. N'hésitez pas à aller voir le clip déjà sur YouTube, hein. Il est disponible, ça y est, allez liker, allez commenter. Et puis téléchargement légal, bien sûr, aussi, on peut le retrouver le titre, Rodrigo. Dans toutes les plateformes, tu peux le télécharger. Enfin, légalement, c'est mieux. Surtout en ce moment, ils ont besoin, les artistes. Hein. Ouais. C'est clair. C'est vrai. En tout cas, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui au téléphone, d'avoir consacré ces quelques minutes en direct depuis Paris. Je te remercie vraiment, Rodrigo Ace. Merci à toi. On écoute ton titre. Et puis, avec plaisir. Et puis, un abraço à tous les auditeurs. Merci, mon ami. Voici Rodrigo Ace. Faut pas croire tout ce que disent les textes. Sur l'honneur, je ferai de toi ma reine. J'avoue que tu m'as tourné le cerveau. Je partirai pas sans toi, quoi qu'il advienne. Quand le piano, tu es la molette. J'arrête pas de penser à toi et mon ralenti. Non, t'es quoi de pensar, non, t'es quoi de pensar en ti. Raconter de mythos, mais tu es celle dont j'ai toujours rêvé. Toi et moi, on va despacito. T'as besoin de faire de si malgré. En s'appuyant, on a dansé bien lento. Un reggaeton qui nous a fait vibrer. T'as laissé de côté tes bingo. Pour que sur la plage, je vienne t'ambiancer. J'arrête pas de penser, j'arrête pas de penser à toi et mon ralenti. Bombardé, dès que je t'ai regardé, je sais encore. Et on adore déjà sur Radio Conseil. Il était au téléphone avec nous, Rodrigo Hayes depuis Paris. Quel en masse, c'est son nouveau hit. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Et puis téléchargez-le légalement, bien sûr. Quel en masse, le tout nouveau Rodrigo Hayes en direct à la radio. On est heureux de vous retrouver dans moins de 6 minutes. Il est dans les studios, ça y est, il est prêt. Dans les starting blocks, c'est Romain Roy, 9e adjoint. On est chargé de la transition énergétique et du développement durable. On va en savoir plus. Un jeune élu qui est là dans nos studios dans quelques minutes en direct sur Radio Conseil. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Ter que ficar aqui. Tu me fizeste chorar, oh baby, e não te vou perdoar. Não, não, yeah. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. J'ai décidé que Romain Roy sera notre invité aujourd'hui. Dans moins de 4 minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel. La météo pour demain, c'est pas terrible le matin. De la pluie avec quelques éclaircies, mais très timide. Hein, les températures 7 degrés, l'après-midi 12 degrés. Malheureusement, des averses encore demain après-midi. Donc de rigueur à l'ancienne, le chaos autour de la taille. Ça c'est la bonne chose pour demain. Et puis notre invité qui est dans les studios, dans 34 secondes, dans les studios, c'est Romain Roy en direct. 17h06 sur Radio Arc-en-Ciel. dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó. Maria Concel, le meilleur des souvenirs avec du bon son Caliente à l'ancienne, Daddy Yankee, Loque Paso en direct 17h09, notre invité qui arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est Mince. Et on fait les choses bien, la Radio Arc-en-Ciel 96 FM, merci d'être aussi nombreux l'après-midi à m'écouter. Et on l'accueille, Romain Roy, 9e adjoint au maire chargé de la transition énergétique et du développement durable. Oh, c'est une longue phrase, c'est ça. Bonjour Romain. Hey, c'est des annotations un peu compliquées à lire. Ouais, bonjour, ça... bonjour aux auditeurs, bonjour Franck. Le plaisir de te retrouver sur Radio Arc-en-Ciel, un grand plaisir vraiment. Ouais, ouais. Plaisir partagé. Alors, élu à la mairie d'Orléans aujourd'hui, alors on va avant de parler de toi, ça fait quoi d'être jeune? Parce que t'es jeune, hein, comme moi. Jeune élu, ça ouais, fait quoi? Jeune élu, c'est d'abord une grande fierté, ouais. Parce que c'est une confiance qui m'est accordée malgré, comme tu dis, le jeune âge. Hein, les gens s'intéressent à la politique souvent après 40, ouais, 50 c'est ans. Ça, ouais. Moi, j'ai décidé de m'y intéresser plus tôt. J'ai la sensation que ça appartient à tout le monde, ouais. Que chacun doit s'y intéresser, même depuis le plus jeune âge. Ouais. Qu'à partir du moment où tu votes, t'as le droit de t'intéresser à la politique, même bien plus jeune. Il y a des très jeunes élus en France. Hein. Je suis le plus jeune, je crois, il a 20 et quelques balais, je crois. Il y a un maire de France qui a 18 ans. Ouais, voilà. J'ai vu ça, ouais. 20 ans, donc, ouais, C'est vrai que c'est bon. Ça drôle de croiser un maire de 18 ans, non? Je l'ai pas croisé encore, pour te dire la vérité. Mais tout le monde veut le croiser, bonjour, fiston, non? Non, je sais pas, je pense pas. Après, à lui de faire ses preuves, hein, ouais, je pense qu'on est fait pour apprendre. Les années qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait, mais on peut aussi être plein de bonne volonté. Et avoir envie de faire avancer le système, de partager. Ouais. De toute façon, la politique, ça se fait pas seul, ça se fait en équipe. On co-construit quelque chose. Donc, les décisions, ça sort pas d'un esprit jeune ou d'un esprit vieux. Il faut vraiment le partager. Et ensuite, les bonnes décisions au bon moment. Les bonnes décisions au bon moment. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, t'as vu, hein. C'est pas mal. C'est tendance, c'est dans l'air du temps, c'est ce qu'elle vient. Mais c'est vrai que des fois, la politique, c'est anticiper, c'est gérer. Et des fois, être un peu moins dans la réaction, dans l'anticipation, ça ferait pas de mal, effectivement. Comment on l'a pris autour de toi? Comment on te soutient, bien sûr, heureusement, je pense. Ta famille, ta femme, si t'as des enfants ou... Alors j'ai un petit garçon, ouais. Il est peut-être qui a 9 mois, donc il l'a très bien pris. Ah oui, il a fait voilà avec les basses. Il s'est pas encore rendu compte de l'engagement de son papa, mais c'est pas non plus un engagement extraordinaire et de super héros. Hein. C'est un engagement citoyen, je dirais plus que je conseille à plus de gens. La politique, c'est peut-être parfois trop accaparé par des gens qui font des carrières politiques, alors que à mon sens, c'est quelque chose qui devrait être un espace-temps de la vie, un moment où on a envie de s'engager pour les autres et on a envie aussi d'apporter des compétences. C'est aussi une de mes convictions, c'est qu'à partir du moment où on pense avoir des compétences dans un domaine d'activité, on doit les mettre à profit pour les autres, pour le collectif, pour l'intérêt général. Et c'est un des sens de mon engagement. Quand Monsieur Grand est passé, alors les parents l'ont pris comment? Ils étaient heureux aussi, champagne. Ils étaient fiers, Monsieur Grouard et son équipe. Du coup, je faisais partie de son équipe, donc une grande fierté parce que mon papa était lui quand même un petit peu intéressé politique. Ma maman vote et s'engage sur les périodes d'élection, mais c'est pas un projet que j'avais vraiment développé en famille ou quelque chose. Après, ils me connaissent, ils savent que j'aime le challenge, j'aime avancer, j'aime proposer. J'aime construire, j'aime débattre. Ouais. Ça les a pas vraiment surpris. Par contre, j'ai senti quand même de la fierté. Et puis de voir de la fierté dans les yeux de ses parents, ça émeut, quoi. Ouais. C'est vrai que c'était émouvant pour moi. Et après, il y avait la partie responsabilité. Une fois qu'on est engagé, une fois qu'on est parti, on se dit bon, c'est bon. On peut plus faire marche arrière aussi. Hein. Non, il y a pas de marche arrière possible. Voilà, parce que quand c'est parti, c'est parti. Ah, c'est parti, c'est parti. Et puis il faut respecter sa parole, il faut respecter ses engagements. Exactement. Et ça, c'est aussi un de mes leitmotivs. J'ai tendance à dire que la parole fait l'homme ou l'homme n'est rien, entre guillemets. C'est pour vraiment engager, de dire si on dit, on fait, on s'engage, on prend parti et on va au bout des choses. Et justement, respecter ses engagements, ses paroles. En ce moment, en période Covid, hein, ça doit pas être toujours évident. Non, on est dans une période compliquée. C'est plus compliqué, malheureusement, pas de bol. Hein. Ouais, à ce titre-là, je veux exprimer tout mon soutien, hein, toute la partie culture, commerce. Ah ouais. Je souffre. Hein. Voilà. Il y a des cœurs d'activité, des corps entiers d'activité qui sont extrêmement touchés. Les bars qui viennent de morfler encore avec les restaurants. Ouais, les restaurants. je pense à tous les gens qui ont joué le jeu, qui jouent le jeu, qui essaient de sauver leur entreprise et qui se retrouvent pénalisés, ouais, malheureusement, comme ceux par qui jouent. Par rapport à des gens qu'on fait n'importe quoi. Oui, c'est Romain. C'est ça. Alors, je suis aussi délégué au quartier de Bourgogne. On va pas balancer des noms, il y a rien. Non, on n'est pas là pour faire un dossier. Pour balancer des noms, mais il faut être honnête. On peut être aussi factuel et puis assez exactement réaliste. Moi, comme je viens de t'expliquer, je suis délégué au quartier Bourgogne. Ça veut dire que j'ai gardé un ancrage territorial. C'était une volonté aussi de Serge Grouard et son équipe que les adjoints ne soient pas que adjoints, mais aient des ancrages territoriaux dans les quartiers. Et on a eu des discussions avec le préfet, on a eu des discussions avec les commerçants. Effectivement, on avait quand même une partie des commerçants et des restaurateurs, des bars. Vu que tu me parles des bars et des... Ouais, c'est un exemple, parce que je suis dedans, enfin, je suis pas dans les bars, je suis ailleurs. Moi. Voilà, qui joue, ouais, bon, au Monde de la Nuit, par exemple. Monde de la Nuit, qui joue clairement le jeu. C'est frustrant. Économiquement, c'est très difficile à vivre, c'est très difficile à comprendre. Ouais. Je leur exprime tout mon soutien. Ouais. Il faut s'accrocher, il faut que cette mauvaise période passe. Il y aura un avant, il y aura un après, on l'a déjà dit, politiquement. Et je pense qu'il y aura d'autant plus de gens qui auront envie de faire la fête et bien faire la fête. Là, ils vont être au taquet, les gens. Ils vont être au taquet, les gens. Ouais, ils vont être au taquet parce que là, c'est la fête, ça va se déployer à vitesse grand V après. Hein. On espère tous quelque part. Mais ça sera un peu comme une finale de Coupe du Monde ce jour-là. Là, on voit que le Covid a évolué un petit peu, malheureusement, en France. C'est pour ça qu'on est en mode couvre-feu là, donc notamment sur Orléans, 21h, 6h. Est-ce que justement, les départs en vacances de cet été, ça n'a pas été le coup de trop, peut-être ? Je sais pas. Hein. Je peux pas le juger, on a le droit de tous avoir un avis. Après maintenant, il faut rester, je pense, humble par rapport à la situation. La vérité, c'est qu'on est sur quelque chose de nouveau, qu'on maîtrise pas. Ouais. En préambule de notre discussion, je t'ai expliqué, je préfère l'anticipation et la gestion que la réaction. J'ai la sensation parfois qu'on est un peu dans la réaction, mais c'est pas maintenant qu'on va juger cette histoire. Il faut être solidaire, il faut être cohérent. Ah, c'est le moment. Il faut être altruiste et civique. Voilà, c'est ces messages-là pour l'instant qui priment. On tirera les leçons à la fin de l'histoire. Malheureusement, on n'est pas à la fin du chapitre. On espère que ça arrive vite. Alors, chargé de la transition énergétique et du développement durable, là, je parle aux auditeurs. On peut leur expliquer un peu ce que c'est. Peut-être que certains ne comprennent pas ou ne savent pas ce que c'est. Peut-être. Eh bien, on va faire un petit peu de pédagogie. Hein. La transition énergétique, c'est le changement d'un modèle qu'on utilise massivement depuis 30, 40, 50 ans. C'est-à-dire peut-être un modèle de consommation, un modèle où on roule avec une voiture au diesel. Qui pollue, non ? C'est une forme de pollution, hein, parce qu'on va brûler un élément qui a capté du carbone. Et en le brûlant, le gaz d'échappement fait qu'on rejette du carbone. Plus on va relâcher du carbone dans notre activité humaine, plus on va avoir une dégradation de l'équilibre de la planète. C'est-à-dire qu'on va avoir des montées en température, on va avoir de la fonte des glaces, la montée des eaux, des transformations de nos forêts. Hein. Les résineux souffrent beaucoup, y compris Orléans. Ouais. On peut avoir des inondations plus fréquentes. Bon, alors, je ne veux pas dramatiser la situation. Mon travail, moi, c'est trouver ce qu'on appelle la résilience, donc c'est la forme de transformation de la société au sens large, d'accord, pour qu'on arrive à atteindre un point d'équilibre entre ce que la nature peut respecter et comment l'homme peut vivre de façon libre et sans trop de contraintes. Malheureusement, mais bon, c'est depuis tous les temps, ça, quasiment. On a toujours évolué. Ouais, seule différence, c'est l'espace-temps dans lequel on a évolué. Depuis un siècle, on a considérablement accéléré le dérèglement et les perturbations. Alors qu'avant, ce dérèglement se faisait entre 50 000 ans et 150 000 ans. Là, en un siècle, on a déréglé aussi vite qu'en 100 000 ans. Ouais, quand même. Donc, c'est vrai que l'être humain et la biodiversité, on voit en fait, c'est pas l'être humain la personne pour l'instant la plus touchée, l'espèce la plus touchée. La plus grosse dégradation, c'est sur la biodiversité, la disparition des espèces. On est sur une période d'extinction d'espèces. On en parle peu, ou alors, au contraire, il y a beaucoup de discours sur la biodiversité, sur la mobilité. C'est ça le développement durable. Ça peut être l'isolation, ça peut être l'énergie. Ça peut être le transport, ça peut être l'alimentation. Il faut qu'on revoie toute la méthodologie. Mais l'homme est derrière tout ça quand même. L'homme est derrière tout ça. Il faut être clair. Il faut être honnête. C'est pas les animaux qui ont dégradé la. On dit la nature reprend ses droits. La nature reprend ses droits. Est-ce que le Covid est un message? Peut-être un message du Covid, ouais. Toc, c'est le Covid. Ouais, peut-être. Arrêtez vos conneries. Il faut qu'on change, il faut qu'on soit plus raisonnable sur notre façon de consommer, sur la façon de valoriser nos déchets, de se transporter. Il y a beaucoup à faire. On démarre pas très haut. L'ambition est importante. Il y a des prospectives. Quand on fait de la politique, il faut se projeter à 5 ans, 10 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans la fonction que j'occupe, c'est vraiment de poser des bases solides avec une vision qui sera réorientée par les prochains qui prendront la place. Mais mettre quelque chose qu'on ne va pas détricoter après. Il faut vraiment aller dans le bon sens et collectivement. Des projets de l'avenir pour toi sur Orléans, tu viens juste d'arriver, malheureusement en mode Covid. Quelles sont aujourd'hui les choses qui vont faire avancer justement cette nouvelle énergie? Voilà, tu viens bien de le résumer en mode Covid. Parce qu'il faut être honnête, le travail n'est pas le même que s'il y avait le Covid ou pas le Covid, sans le Covid, il faut être honnête. C'est vrai. Là, je vous tire au chapeau à tout le monde, t'es pas le seul, mais beaucoup de gens, là, c'est plus compliqué de travailler en ce moment. Les équipes en général, mais de toute façon, qu'on soit dans le. Parce que les gens ont la motivation aussi de faire des choses. Oui, il y a quand même la motivation, parce que je pense que dans l'être humain, il y a cette envie d'avancer, et individuellement et collectivement à la fin. On ne sait pas avancer individuellement. On a besoin de cette reconnaissance, on a besoin d'emmener une équipe, on a besoin de partager. Je veux revenir sur ce que tu expliques, le mode Covid ou pas le mode Covid. C'est un mode que j'ai trouvé, ça me rappelle quand j'étais sur une émission ailleurs, c'était en mode vibration, là c'est en mode Covid, voilà. Ouais, j'ai changé juste plus le sympa mot. En mode vibration. Ouais, c'était plus sympa, ouais. Mais malheureusement, le Covid nous apporte des vibrations plus négatives. La partie Covid, je dirais qu'il faut pas que ça soit une excuse pour ne pas entamer la transition écologique et le développement durable. On a trop attendu. Depuis 1995-2000, on a fait un constat et on sait que tout est en train de se dégrader. Depuis 2000-2010, on en parle. 2015, on avait commencé à faire la COP de Paris, la COP 21, qui est la grosse référence. Puis on a décliné les COP régionales, on a décliné les PCAET, c'est les plans climat air énergie sur les territoires. Et en descendant les initiatives et les règles du jeu perçu en fait d'en haut, quand ça découle du haut, les gens ont du mal à s'approprier les nouvelles règles du jeu et ont du mal à démarrer les changements. Là, ce qu'on va initier sur la ville d'Orléans, c'est que le 15 décembre, on va avoir l'élément d'ouverture d'un élément fort pour la métropole, qui vont s'appeler les assises de la transition énergétique. Alors, ça va porter un autre nom que ce nom un peu pompeux des assises. L'idée, c'est dans les 22 communes de la métropole, de poser des questions sous la forme d'ateliers, de conférences, de partages, de réunions, de visioconférences, de bonnes pratiques, de mise en valeur, d'informer les gens sur ce qu'on peut faire sur leur territoire en alimentation, mobilité, c'est ce que eux ils veulent faire sur leur territoire en énergie, en développement durable, en isolation. Mais justement, les bonnes idées peuvent arriver de là aussi. Exactement. Et pourquoi on veut le faire comme ça? Parce qu'il y a des bonnes idées sur les territoires qui ne viennent pas forcément de Paris ou de la COP, COP 21. On veut les mettre en valeur, on veut les réunir, on veut le partage et la co-construction des plus jeunes jusqu'aux plus âgés de toutes les catégories sociales qui puissent exister. On va compiler ces bonnes pratiques et ces partages sur le début d'année 2021. Après, il faut les proposer. Et ensuite, ils seront proposés au budget métropolitain qui, lui, sera voté en mai et juin l'année prochaine. Ça veut dire qu'il n'y aura pas trop d'égo, que les gens ils disent « Ah non, ça vient pas de nous, oh là !» Non, peut-être, mais je sais pas. Je pense que c'est consensuel et puis il faut ranger les conflits et les égos, je dirais. À un moment, l'écologie, ça dépasse les clivages. On n'est pas gauche-droite, c'est une philosophie de vie. Ça n'appartient à personne, l'écologie. Je pense qu'il faut avancer collectivement et il y a beaucoup de pratiques qui sont du bon sens sur ce que les anciens pratiquaient même depuis tout le temps. On a oublié beaucoup de choses. Et il faut aller chercher dans l'intergénérationnel ces pratiques qu'on a oubliées. Il faut aller chercher dans la jeunesse l'impulsion que eux veulent animer. Et chacun doit revoir un petit peu sa méthodologie et son rythme de vie. Et en faisant collectivement des petits gestes c'est positifs. Bon pour la planète. Ben ouais, c'est bon pour la planète. Mais en vérité, c'est la planète, je vais dire quelque chose, elle s'en fiche. Qu'il fasse 5 ou 10 degrés de plus, la planète, elle va rester là, tourner autour du soleil. C'est l'équilibre de la planète, donc de l'espèce humaine, de la biodiversité qui est en jeu, c'est nous, c'est clairement, c'est l'espèce, c'est l'avenir de l'espèce humaine en fait, qui est en jeu. La planète, elle va rester là. C'est vrai, elle sera toujours là, la planète. 2021, comment tu le vois alors, les projets, l'avenir, des choses qui vont sortir de terre Alors 2021, participation la plus large possible à l'événement des Assises. qui est pour le lancement, pour rappel, le 15 décembre. 15 décembre, ouais. Janvier, février, on a des ateliers de montée en compétences, on a du partage, de la co-construction. Bon, je te fais pas la communication. Ouais, c'est un peu de teasing, vous allez bientôt le voir. Les gens partagent. Mars, avril, on réunit les idées et on bonifie tout ce qui nous a été apporté pour qu'on influence les feuilles de route de chaque ville de la métropole. Pour rappel, il y en a 22 et tout le budget métropolitain pour les 6 prochaines années avec une ligne politique sur la transition énergétique et le développement durable à horizon 2050. Avec des points de passage. Et pour information, Orléans Métropole sera challengeuse et elle partagera aussi ses connaissances avec 20 villes européennes où dedans on va retrouver Amsterdam, Dublin, Madrid, Milan, Cracovie. Il y a bonnes idées à prendre aussi. Exactement, l'être humain est fait pour partager. C'est ça. On en a déjà parlé. Donc élu, ça c'est le gros projet 2021. Gros projet élu pour quelques années. Sûrement plein d'idées qui fleurissent. Je vais employer ce mot-là, comme ça sera plus court. Qui fleurissent dans ta tête pour toutes ces années qui vont arriver, ce siège d'élu. Ouais, il y a beaucoup d'idées. On peut en avoir quelques-unes comme ça, en exclusivité ou pas? Une des grandes idées, ouais, c'est de réussir, on avait déjà discuté ensemble, j'avais fait des maisons à énergie positive, ouais, j'ai créé une société qui travaille sur 45 départements qui est elle-même à énergie positive. La grande idée, ça serait d'emmener Orléans sur la route de l'énergie positive, c'est-à-dire que la ville produise plus d'énergie qu'elle n'en consomme à horizon 2050. Ah oui. Donc ça c'est une des grandes idées. Ça veut dire que pour réussir cette grande idée à 2050, il va falloir réunir et réussir plein de petites et belles idées à des échelles qui sont plus terre à terre, je dirais. Bien sûr. On est une métropole à cette ambition, c'est très important. L'idée c'est que collectivement, avec des petites idées de quartiers, de jardins partagés, de valorisation des déchets, de méthaniseurs, de recyclage de l'eau, de voilà. Il y a beaucoup de choses. D'idées. La mobilité, le vélo. Avoir un plan de mobilité vélo urbain redynamisé, revisité. Justement, en parlant de vélo, j'ai une question là tout à l'heure. La passerelle, c'en est où? Ah, la passerelle sur la partie... Ouais, Bonjour-Georges V. Bonjour-Georges V. C'est ce qu'on m'a posé comme question. Alors, c'est quelque chose qui est... On est en train de regarder les chiffres de l'expérimentation qui a été faite sur la route. Il est retombé positive ou négative? Alors, il y a des retombées positives. Positives. Sur la circulation... À peu près 50-50 ou alors plus dans 80? Ça dépend qui on interroge. Ouais. Si on interroge quelqu'un qui est en voiture, qui habite de l'autre côté du pont. Et qui peut pas traverser le pont, il a agacé, là, il va dire, c'est mort. T'as compris. Moi, je suis tombé dedans l'autre jour, dans le piège. Il est fermé le pont. J'ai relativisé, je me dis, c'est pas grave. Non, mais il faut relativiser. Après, quand on parle aussi de changement de méthodologie, si ces gens-là, demain, peuvent prendre les transports en commun ou utiliser le vélo pour traverser le pont, ça sera très, très appréciable et bon aussi pour eux. Maintenant, faut pas être dans l'obligation, faut être dans une écologie incitative et pas punitive. Bien sûr. Donc la passerelle, c'est étudié. Il faut savoir que c'est des budgets considérables. Il faut aussi être transparent et honnête avec la population. On a des budgets à respecter. J'ai 34 ans. Je sais pas. Moi, j'ai 50 ans. Mais, bah, 50 ans, je vais t'avouer quelque chose. Toi et moi, on a presque vécu dans notre pays 100% à crédit. C'est vrai. Tous les ans de notre vie, on a vécu à crédit. C'est clair. Ça peut pas durer. Il y a un moment, il faut qu'on arrive à équilibrer l'équation et arrêter de donner des dettes. Tu parlais tout à l'heure d'avoir un enfant. Moi, j'ai eu un enfant et j'ai du mal à le regarder en lui disant dans 30 ans, j'ai pas fait mieux que ce que tu avais quand t'avais un an. Donc, dire aux gens qu'on va faire une passerelle qui coûte des dizaines de millions d'euros, aujourd'hui, clairement, j'ai pas la sensation qu'on en ait les moyens. Les moyens, c'est ça. Il y a des solutions techniques qui existent. Il y a du partage de mobilité, partage urbain, comme le pont qui est fait là. Bien sûr. Ça va créer quelques petites contraintes pour certains, mais il faut expliquer que économiquement, c'est plus supportable que de privilégier quelques personnes. Voilà, il faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut vraiment trouver la bonne balance. Le curseur. Voilà, le curseur qui va bien. Il faut le partager, il faut discuter. Si on décide tout seul, on fait des erreurs. Si on le partage, les gens sont capables de l'entendre. Donc la passerelle, je peux pas te dire aujourd'hui qu'il y aura une passerelle parce que économiquement, aujourd'hui, on n'est pas prêt, c'est pas possible. Il y a beaucoup de points à traiter avant la passerelle. Avant la passerelle. Eh bien, en tout cas, on en sait plus aujourd'hui sur toi, Romain Roy, 9e adjoint au maire, chargé de la transition énergétique et du développement durable. Je vais te laisser le dernier mot de la fin. Ouais, ben merci pour pour ton accueil. Tu viens toujours très sympa. Alors moi j'invite tout le monde. Hein. Tout le monde est venu dans mon émission. Ouais, mais on sait qu'on est bien reçu, on est mis à l'aise. Ouais, c'est ça. Tu sais que c'est un plaisir aussi de partager avec toi. Moi j'aime bien parce que c'est assez convivial, c'est famille. Hein, je veux pas que poser des questions politiques avec cadré, avec un agenda qui est plein, avec des questions déjà écrites. Moi j'écris quelques mots et après je trace autour de ça. Voilà. On aurait pu le faire, mais le moment n'aurait pas été aussi apprécié et agréable. Donc ouais. Voilà, je tiens à te remercier. Bonjour aux auditeurs. Courage à ceux qui vivent une période plus compliquée. On serre les dents, on se soutient collectivement parce que des fois même de dire un merci, un bonjour et puis un soutien, un regard, bah ça c'est peut vrai. Aider aussi les gens. En ce moment, faut être honnête. Hein, moi des fois un simple message sur Messenger, ça me redonne la banane. Bah, des fois j'ai des coups de baisse et là je reçois un petit message sympa en soutien. Ah oh, bah là je souris pendant 2-3 heures. Je pense qu'il faut pas hésiter à dire les choses quand on les voit c'est et ça. Puis que de temps en temps on peut tendre la main. Proposer un service et ça soutient, ça aide parce qu'il faut qu'on tienne collectivement et quand ça repartira, on se souviendra que collectivement on a tenu tous ensemble et après on fera la fête ensemble après. En tout cas, avec plaisir, un sourire aujourd'hui parce que tu m'as amené un petit cadeau, c'est des casquettes. Moi je suis un fan de casquettes je porte des casquettes depuis l'âge de 15 ans, 16 ans à peu près. J'ai toujours porté des casquettes. Tout le monde me posait la question, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir ce petit cadeau. J'ai pas mal de couleurs différentes à chaque fois. En plus, c'est la couleur du Portugal. Ils vont être contents là. Je vais en offrir une à la radio si tu veux bien. Avec plaisir. Et puis moi, garder l'autre, je mettrai de temps en temps le week-end. Sans souci. Je vais pas dire pour aller en boîte parce que j'y vais pas, mais gros, j'y vais plus pour l'instant. Romain Rouen, merci d'être venu. Allez, un grand plaisir. Une bonne journée à chacun. Et puis, bonne route et puis bonne chance pour la suite. Hein. Merci également, Franck. On s'en verra. 17h30 en direct, c'était Romain Rouen sur la console. Et puis, ils arrivent au téléphone avec nous, les Parisiens de Bordeaux. Ils sont à Bordeaux en ce moment, c'est le collectif métissé. Porte qui rentrait du boulot, et courage à vous, hein. Eh ouais, c'est l'heure de rentrer, puis si vous êtes en vacances, bah profitez des bons moments avec vos enfants, la famille, ça fait du bien d'être chez soi, reposé, tranquille. Demain, pas de soleil, de la pluie, des nuages, malheureusement. Voici les rayons du sol avec Don Omar et Zumba. Sur Radio Arc-en-Ciel avec le meilleur de la musique, Don Omar et Zumba. Dans quelques minutes, ils seront en direct avec nous au téléphone depuis Bordeaux. C'est le collectif Métissé. On va parler du nouveau single qui arrive dans les bacs d'Ale El Ritmo. Samarima sera avec nous en direct. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Don't give in. is just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Les deux DJ d'Orléans, non ils sont pas d'Orléans, ils sont de Paris. Get Lucky, c'est Daft Punk. On adore, on a toujours pas vu leur visage hein. Si vous avez des bons plans pour les mater, eh bien allez-y. 02 38 43 48 00. En tout cas ils nous donnent le cœur sur la main, ils nous donnent le soleil aussi. C'est le collectif métissé, ils arrivent dans quelques minutes avec nous au téléphone. Saint-Jean-de-Bresse, salut Francky, merci de nous donner un peu de soleil avec ce temps pourri. Bah ouais, c'est vrai, hein. On va voir son mari bas, ils sont à Bordeaux en ce moment. On va les avoir au téléphone dans quelques minutes. Le collectif métissé, l'exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Après Rodrigo Hayes tout à l'heure, ils arrivent au téléphone depuis Bordeaux. Bougez pas la famille, on arrive. Hey! Club avec Francky l'après-midi. C'est 17h48 minutes. On est en plein mode soleil aujourd'hui. Ça fait du bien de vous retrouver malgré ce temps un peu pourri sur Orléans. De la pluie, malheureusement, demain encore. Les températures jusqu'à 14 degrés. Et nos invités qui vont nous apporter un petit rayon de sol. C'est le collectif, bougez pas. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et tellement déshabitué que je dis le collectif. J'ai oublié de dire collectif métissé. Bonjour, Soma Riba du collectif métissé. Salut, salut. Comment ça va? Il fait beau. Tu es à Bordeaux, je crois, toi, du côté de Bordeaux. Ouais, je suis sur le bassin d'Arcachon. Bah écoute, il faisait beau en début d'après-midi. On avait le soleil, ouais. Et puis ça s'est couvert. Et là, il fait un temps. Un temps où il faut mettre collectif métissé pour avoir le soleil. Voilà. Bah, en tout cas, le soleil, vous l'apportez. On s'est écouté tout à l'heure un ancien titre de vous. C'était Sexy Lady. On l'a écouté tout à l'heure. Ah, oui. Ah ouais. Celui-là, il donne de la patate. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, nouvel album qui est dans les bacs, qui s'appelle Fiesta Party, si je me trompe pas, Claude. Oui, collectif Fiesta Party. Ouais. Que des titres pour faire la fiesta. On en a besoin. En ce moment, et voilà. C'est et vrai. Là, c'est le dernier extrait de l'album qui vient de sortir, qui s'appelle D'aller à rythme. Le clip sort vendredi à midi. On va mettre un teaser demain. Ouais. Voilà. Et puis, on va essayer d'amener un petit peu de soleil et de bonne humeur sur la France. Voilà. C'est vrai qu'on en a besoin. On écoute un petit extrait juste avant d'écouter. Tu peux écouter. C'est vrai que ça sonne très soleil, Soma Riba, parce que on a besoin de soleil en ce moment. Vous, c'est votre priorité. Ça a toujours été votre priorité, le soleil. Oui, toujours le soleil. Et puis là, on est bien dans le latino, le franco-latino. Ça nous colle bien, ça plaît bien aux gens. Ouais. Le titre de coup de roue, c'était a fort bien marché. D'ailleurs, on va faire un autre coup de roue pour l'été prochain. Et puis, on est parti sur un petit peu de latino, franco-latino, et ça nous va bien, ça donne du soleil, ça donne un air latin, et je crois que tout ça, je pense que on en a besoin, voilà. Ouais. On a un pressentiment que le latino, il a pris le dessus depuis quelques années, là, musicalement. Oui, j'ai l'impression que il y a quand même, oui, il prend le pas sur certains courants musicaux, notamment en musique soleil, c'est le latino qui est là, et ils font en tenir compte et moi ça me va bien puisque je suis d'origine espagnole donc. On s'éclate bien, tout va bien quoi. Alors on va traduire d'aller le rythme, c'est-à-dire donne-moi le rythme, non, je sais pas, c'est ouais, ça. C'est ça, ouais. Oui. Il y en a qui n'ont pas le rythme, mais il y en a d'autres qui l'ont, hein, tu sais, hein. Moi je suis DJ, tu sais qu'il y en a qui n'ont pas le rythme. Ah oui, bah ça en 25 ans de boîte, j'ai vu des gens qui savaient pas danser, mais ça c'est pas grave. C'est comme le karaoké quand on sait pas chanter, c'est pas grave, l'essentiel c'est de faire la fête, hein. Voilà, ce soir, il faut participer. Mais je crois que Claude, je crois que c'est fini les mecs devant la glace qui regardent devant la glace quand ils dansent, non? Ça n'existe plus. Ouais, je crois que ça c'est c'était avant. D'aller à rythme, c'est le nouveau collectif métissé qui est déjà sur Radio Arc-en-Ciel, nouveau single qui est sorti vendredi. Le clip arrive vendredi prochain. Un clip coloré, vous l'avez tourné où le clip, Soma? On l'a tourné dans un pub musical dans le bassin d'Arcachon. Et c'est très coloré à travers notamment les jolies filles qu'il y a dedans, des jolis garçons aussi pour les filles. On a fait un truc très très très girly, très latino, voilà. On s'est inspiré un peu des clips latino et je trouve qu'on a un bon résultat. Et on met un teaser demain en ligne sur la page collective Métissé et puis le clip sort vendredi à midi, vendredi 30 octobre à midi. Voilà. Une question que j'ai posée tout à l'heure à Rodrigo Reis, est-ce que c'est facile en mode Covid aujourd'hui de tourner des clips, de faire des titres? Enfin, faire des titres quand on est en studio c'est un peu plus facile, mais est-ce que... Oui, en studio ça va, et puis les clips, ben il faut être... on est tombé nous sur une... quand on a tourné, il n'y avait pas de... On n'était pas dans le rouge, on n'était pas limité, ouais. Donc on a pu travailler, on a fait attention tout le temps qu'on était ensemble, et puis voilà, après oui, il y a des choses qui sont moins possibles, mais on croise les doigts pour qu'à l'avenir on puisse retravailler normalement, quoi. Voilà. Justement, tu parles de retravailler normalement. La scène vous manque. Vous faites quelques scènes, mais très très limitées, hein, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Même des scènes annulées. La scène nous manque beaucoup. On a eu 80 dates d'annulées. Ah ouais. On en a fait 4 en tout depuis le 17 mars. Et c'est vraiment un miracle. Moi, je trouve qu'on est des miraculés, mais là, on a plus rien à l'horizon avant le 31 décembre. Et, ouais. À ce moment-là, on espère qu'on pourra la faire, cette date-là. Sinon, on peut plus rien faire jusqu'en mai. Et franchement, c'est ce qui nous manque le plus, quoi. Parce qu'en fait, la finalité pour nous, c'est d'aller sur scène et communiquer avec les gens, ouais. Communiquer avec les gens. Donc ça, c'est toi qui es un homme de la nuit, t'as été DJ, t'as été patron de boîte de nuit, t'as fait plein de casquettes dans ce beau milieu de la nuit. Aujourd'hui, tu en penses quoi concrètement, toi, de ce milieu? Il est perdu, il faut se battre, il faut avancer, quoi. Non, il est pas perdu, mais... Ouais. Il faut se battre pour réouvrir, mais il est évident que pour réouvrir, il va falloir être un petit peu patient, parce que je pense que là, en fermant tout, les bars, les restaurants et tout, je pense que les discothèques on va attendre. Doivent patienter, comme nous, les concerts, comme tout ça, quoi. Ouais. Vous préparez... Comment ça se prépare un nouveau concert avec les maisons de disques? Est-ce qu'on se dit on va en faire un et du coup c'est annulé? C'est de la préparation tout ça quand même, c'est du boulot. Et quand on dit c'est annulé, oui, ça fout les boules. C'est annulé souvent 24 heures avant en plus. Ouais, c'est ça le pire. Ouais. Mais ça malheureusement, et c'est souvent sur décision préfectorale. En fait, les organisateurs déposent leur dossier, vont au bout du bout et puis le préfet subitement décide que ça pourra pas avoir lieu pour X ou Y raison. Et voilà, quoi. En tout cas, on vous donne le soleil aujourd'hui avec le nouveau collectif Métissé qui est dispo depuis vendredi sur les plateformes de téléchargement légal, bien sûr. Et puis le clip qui arrive ce vendredi, Claude, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça, vendredi à midi, avec bien sûr le soleil et un bel arc-en-ciel. Voilà, oh, elle est facile celle-là. En tout cas, ouais. On te remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes en direct de Bordeaux. Un peu de chaleur, ça fait du bien sur Orléans, parce que c'est vrai que c'est pas beau. Hein. Avec plaisir, ouais. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ben on s'écoute le nouveau collectif Métissé, si tu veux bien, Claude. Avec plaisir. Allez, rythmo sur Radio France, voici le nouveau collectif Métissé. Se ressemble, fiesta caliente entre amis. Chaque jour qui passe nous rassemble, à faire la fiesta, à s'aimer. Chaque jour qui passe se ressemble, fiesta longa toute la nuit. Se nous rassemble, danser, bouger, y'a qu'à. à s'aimer. Chaque jour qui passe se ressemble. Depuis c'est la vie, non parti. Du collectif métissé sur Radio Arc-en-Ciel. After Job avec Francky, l'imprimé. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Pesa, pesa, pesame un poquito. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesame otro ratito. Suave, suave, bien ya. Suave, suave, suave, échate pa' acá. Suave, suave, suave, suave. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte, y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente. Elvis Crespo sur l'Arc-en-Ciel. Je vais vous retrouver demain à partir de 17h. Je vous souhaite une excellente soirée, la famille. Et puis, direction le Portugal, RDP International. Bonne soirée, la famille. Voici le Portugal et RDP International. Santarém, há notícias à seguir. Boa tarde, são 5 horas no continente e na Madeira, 4 nos Açores.